La troupe artistique des Coréens au Japon pour célébrer la journée de la brillante étoile conduite par Zhang Yisheng a déposé le 1er février le bouquet de fleurs devant les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu avant de formuler l'hommage.